compris. Benat. C'est chez vous. C'est pas là. Littérature. Melon. Herpès. À demain. Litanie. À plus. Jean Valère. Vomi. Anthropophage. Et spectral. Libertinage. Arthrose. Pentagone. Jim Morrison. Chuck Norris.